Noël dans une croisière, il n'y a jamais de misère. À l'abri et bien nanti, 20 000 lieues au-dessus des petits ouvriers et autres pauvretés. Ça est la mendicité. Capitaine, capitaine, à boire et à manger, remplissez nos grosses bêtes de bourgeois affamés. Noël dans un gros bateau, voguant vers les Galapagos. Petit déjeuner à Quito, à des années-lumière des gens ordinaires, condamnés au trafic et à la météo. À boire et à manger, remplissez nos grosses bêtes de bourgeois affamés. Sitôt terminé le dîner, on s'amuse à compter les cocotiers. Noël sur les mers, il n'y a rien d'austère, c'est ça des vrais vacances. Les mouettes, y a un spectacle avec des vieilles vedettes.